jaja ta poil fasi fanatique de ton yeux madame ma petite a crié tout tu ménage te dans la peine sami a dit no revoir son beau tristesse pour nous n'a réfléchi pas dans l'air si bon dieu plaît faut que nous river n'a débarqué dans l'autre monde nous sans amis nous pas bonne route n'a cherché mon pour parler tout ça langage ça dit misère Haïti m'a prêté, Haïti camarade c'est pas caïpa. Port-au-Prince m'a prêté.